Bon, là je suis dans mon jardin, donc j'espère que vous entendrez assez bien. Voilà. Bon, là va falloir qu'on fasse au point car, bon, globalement c'est la catastrophe. Alors, vous voyez, quand j'ai décidé donc de prendre ces risques et la parole par conséquent, j'espérais que mon message passerait. De ce côté-là, on peut dire que mon message a été reçu. Par contre, vous voyez, donc, j'ai posté ça donc sur des serveurs Discord de fans de Godomans, et donc, si les gens ont été super attentifs et donc ont écouté ce que j'avais raconté, et ça c'est cool, le problème c'est que tout le monde pense que c'est une fiction. Or, non, non, non, non, non, non, c'est pas une fiction, c'est pas une blague, c'est réel, et ça fait trop longtemps que ça dure. Heureusement, bon, je dois quand même dire, il y a quand même quelques personnes qui ont été réceptives à mon message, qui m'ont dit justement d'avoir hâte d'entendre la suite de mes arguments. Alors, bon, vous aurez remarqué, donc, je ne cite pas votre nom, car justement, je ne veux pas vous mettre davantage en danger. C'est-à-dire que je culpabilise déjà, justement, car en fait, en vous faisant écouter, ben, j'ai peur de vous exposer à eux, mais, comment dire, fallait que je prenne une décision, et ben, il faut que le monde sache. Diffusez le message, car c'est vraiment important, mais surtout, surtout, surtout, s'il vous plaît, faites très attention à vous, car vous n'avez pas la moindre idée de ce dont ils sont capables. Bon, voilà, alors, ça, c'était pour la mise au point. Maintenant, va falloir qu'on parle de deux autres trucs. Alors, on va commencer par les preuves sur la création du Monopoly par Crowley. Donc, ça a généré un débat, justement, à propos des origines du jeu. Alors, oui, je sais, donc... Ça a commencé avec Elizabeth Magee qui aurait créé le jeu, puis ensuite il y aurait un certain Charles Darrow qui lui aurait volé l'idée et qui l'aurait revendu au frère Assenfeld. Alors, bon, je connais cette version, mais la réalité est tout autre. Alors, je veux bien croire que ces personnes ont existé, mais cependant, on n'a absolument aucune preuve que Charles Darrow soit entré en contact avec les frères Assenfeld ou même avec Elizabeth Magee. Et justement, la tractation... avec Charles Darrow est une invention de Crowley. Ça, je le sais, je veux dire, bon, je suis toujours en train de travailler dessus, mais je pense que je vais pouvoir vous en apporter la preuve. Et maintenant, donc, c'est au tour d'Aziraphale. Donc, comme je vous l'avais dit, donc, une personne m'a vendu le scan du journal d'un moine donc, qui avait rencontré Aziraphale au XIIIe siècle. Et donc, il se trouve que cette personne, en fait, donc, comprend le français et elle écoute ce que je produis. Et justement, en fait, donc, cette personne, elle m'a dit que j'avais oublié quelque chose et... Ouais, alors, d'ailleurs, en fait, donc, honte à moi, car c'est quelque chose que je n'avais pas vu, justement. Alors, dans les écrits du moine, justement, donc, il se trouve qu'il a noté le nom de l'entité qui s'est présentée à lui. Un certain Azrael Pahi. Alors, ce que vous allez faire, donc, c'est... prenez des lettres de Scrabble. Ou à la rigueur, vous écrivez le nom sur une feuille de papier assez large. Donc, Azrael Pahi. Donc, A-Z-R-A-E-L-P-A-H-I. Maintenant, bougez les lettres. Vous obtenez le nom d'Aziraphale. Il s'est présenté sous un anagramme de son vrai nom. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, donc, je dois retourner à mon boulot. Et surtout, faites très, très, très attention à vous.